Kay sur Skyrock.

pas du côté passager dans le Merco Benz. Elle m'a demandé un seul billet. Elle est belle comme une belle. You know what a hood might do. Put my 150 niggas trap car. We don't wanna look like you. Chap chap in the bando. I don't wanna look like you. Chap chap in the bando. I don't wanna look like you. Chap chap in the bando. I don't wanna look like you. Chap chap chap chap chap chap. Look like you. No, I don't wanna look like you. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Franco, DJ Kaïs, DJ Kaïs, c'est du lourd, sans protocole parti. Yes, c'est la dégaine. On va encore vous faire ça dur. Une fois de plus, c'est parti pour une ambiance de ouf. Franco et DJ Kaïs, une collaboration à couper le souffle. C'est pas du bluff. Ce soir la fiesta est mortelle. Tu voulais du show. Compte sur moi, j'ai j'en foutre le bordel. Tu vends sang dans tes oreilles. On a tout pour te faire oublier tes problèmes. Faire évader les esprits en musique, en délice, c'est ça notre domaine. Contre le stress, on te vaccine. Sur scène, on est des machines. Franco te place quelques rimes. Et Kaïs te fait de la magie sublime. Ok, tout le monde est debout. On va se défouler jusqu'au dégoût. Écoute, appelle tes incous. Dis-le que c'est fou. Ce soir, c'est le meilleur des rendez-vous. Ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'finis à la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, si c'est pas raisonnable. L'enfant dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche plus de la même fois. Le règne qui te signe, c'est ça qu'ils ne comprennent. Ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren. Je pense à plus tard, fais-moi tous les chemins, mais non, je t'as. Tu veux que je fasse quoi avant brûler les cellophane. J'en place une pour tous nos fans. Sans vous, c'est la fin. Je suis libé d'auteur et je reprends ça le matin, ma chérie. J'rêve d'une villa payée pour ma mère et d'une ballon d'été pour les lagros. Avec Zaydi on arrache tout. Ils ont la rage tous. C'est mal parcours. Dans quelques temps on sera partout. Dans quelques temps on sera

ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas vanner. J'vais les laisser dans le déni, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, Bruxelles, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et Blue Love, Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Et le DJ, mon rat, a compris les dangers. Fratard, le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Hlounes, la France, in Albu Holo. Tunis DZ, longue vie à nos potes. Neuromant et le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'veux laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pot. Badira, lui c'est Nalbo. Ferrari en Abaya. Comme si j'étais Dubaï. Où les blédards d'Irourou. بعتي الهدرة والكلام ريزل توالو ياكت نبغيك بالهبال شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كديك قاضي عشقك مداري وزيت بعسي وانا مناسي وما درنا والو كنت دايرة كامي يا مود بعبي وعشقك مداري وزيت بعسي وانا مناسي وما درنا والو Malgré les sœurs, y'a عمري, malgré les sœurs, dis ma fille belle, garde l'espoir. J'ai un kikoun, le bleu à Diane, t'aimes l'histoire. J'ai un kikoun, le bleu à Diane, t'aimes l'histoire. Malgré les sœurs, y'a عمري, malgré les sœurs, dis ma fille belle. ابنو عديان كملو الاستوار شعوك يكون ابنو عديان كملو الاستوار كديك كافي يا مرد بعضي وعشقك مدرلي وسيت البعسي وانا مناسي ومدر لوالو كديك avec ami, amour de ma vie, ma truc me délie. Où c'était pas si, ou en émené, si, ou me délie, ou en délie. Kavi, amour de ma vie, moi je crois que mes délits. Où c'était passé, où elle est menée, si où mes dénouelles. Que des kavi, amour de ma vie, moi je crois que mes délits. Où c'était passé, où elle est menée, si où mes dénouelles. Case le dimanche soir, ça y est, l'album de DJ Case est dans les bacs depuis vendredi. C'est ça, on a pu entendre. Sont bien soulagés. Ouais, ouais, là, c'était une spéciale, voilà. J'ai envie de dire. C'était une spéciale. C'est ça. Donc voilà, et on a balancé des titres et on a mis aussi le titre avec MRC. Et présente-nous alors MRC qui voilà, est là aussi. Bienvenue MRC, ça va bien. Ah, bon, Fred. Attends, qu'on t'entende bien quand même, qu'on entende ta voix. On est là tranquillement, Fred. Ouais. MRC, donc, c'est un jeune rappeur strasbourgeois. Strasbourgeois, c'est ça, hein, si ouais, strasbourgeois. Ouais. Et il fait partie du label, du même label que le mien, Justin Records. Bon, ça va bien, t'es content, tout se passe bien. Ça va, ça fait plaisir. Est-ce que je peux te demander un petit CV express, parce que bon, la Case nous a fait le sien, mais le tien, donc toi, strasbourgeois. Ouais, je suis strasbourgeois en fait. Là, à la base, je suis footballeur. Et tu joues au club de Strasbourg ? J'ai joué à Strasbourg, au Racing Club de Strasbourg, chez les jeunes. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait 7 ans là-bas. Et après, au bout de 7 ans, voilà, c'était cette année. J'ai commencé la musique il y a quelques mois. Justin Records, voilà, ils m'ont appelé quand j'ai fait quelques petites vidéos, je les ai balancées sur Facebook. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a le projet de DJ Case, il y a aussi des sorties prochaines, il y a des choses. Voilà, en fait, petit à petit, on balance quelques petits extraits. Et voilà, j'ai fait des sons, on a fait beaucoup de sons. Voilà, il y a un petit public qui est là déjà, ça fait plaisir. Et voilà, je m'attendais pas en tout cas. Eh bah écoute, bienvenue dans ce Rail Suprême. Peut-être que tu passeras dans la semaine aussi, Case. Je sais pas ce qui est prévu durant cette semaine. Bien sûr, oui, il sera là. Il sera présent peut-être avec nous. Tout à l'heure, vu que voilà, il va éviter de prendre son train, revenir, repartir. Donc peut-être ce soir. C'est ça, ouais. Ce soir, peut-être. Certainement mais, même. Mais d'ici là, profitez de Rail Suprême. On est reparti pour une nouvelle session. Allez, on y va. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Rail Suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. Je vais l'ouvrir à mes yeux, elle est si fraîche.

Fred et DJ K sur Skyrock. Bientôt une collection. Bientôt une collection. What else? Corday. Oh, bientôt une collection. Bientôt une collection. Ah bah. Oh, bientôt une collection. Corday. Yeah. Même moi, on est pas bien beau à bon fia. I hope a promo yen yen abu huntia. Oh, yeah, what time for Jano Manivia. Yambu amu amu sinabum pia. Sa upe moan yo men yin aedi. Nana nyameni ya wakano nebebe mo. Te wuma usaswa biponjine

soir t'es la plus belle. Ce soir t'es la plus belle. Ce soir ouais, ce soir t'es la plus belle. Ce soir t'es la plus belle. Ce soir ouais, ce soir ouais. Fais-lui ton regard de diamant pour briser son cœur de pierre. Fais-lui ton regard de diamant pour briser son cœur de pierre. Et te prends pour وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياتهم ربي حاسبنا وما مالهم حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير قاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جيرل انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جيرل كبيبة مسيا ماشي بحالهم غدا ضيضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم هو مو ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم هدرت الناس جابت لينا حرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم ها كلامهم قرطاس وانا معاك ديما لاباس احنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وما مالهم انا قلبي فيه فيبريشن حبك ما كاين فتاشينيشن ويلي ويلي شهاد الايموشن حبك اللي كاين وما كاين ما احسن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جيرل انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جيرل كبيرة مسيا ماشي بحالهم غدا ضيضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم Suprême. Minuit, 2h, DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Skyrock.

Fred. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Yeah.

DJ Case au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême. Sur Skyrock. Ici just on record. Ouais, t'essayes de tester, poteau, t'inquiète, tu vas voir. La tête de ma mère. Ah, vous voulez tester, on va voir. Just on record, Just, il est là, voilà, la tête de ma mère. Pour la mif, toujours le même combat. J'ai du mal, poteau, pardonnez-moi. Je veux plus voir bosser le rondage. Qui l'a mal et depuis des mois. Pour l'oseille, tout s'en bat des bas. J'ai du mal, poteau, pardonnez-moi. Quand on voit le chétan, on bombarde. J'ai fait que du mal, pardonnez-moi. Loin de la baraque, t'es ma où la vie me mène. J'esquive les barrages. J'suis dans la merde, viens j't'emmène. Loin de la baraque. J'ai vu que des baratins. Des proches sont plus là. Allah et rahmou. Larmes aux yeux de la tous les mains. On en a marre. J'veux le succès, donnez-le moi. Pour ma famille, j'me tire des bannes. Tous mes potos, pardonnez-moi. Y'a que ma mère qui me tend la main. Viens j't'emmène, j'suis dans la merde. T'es à terre, tu veux les gains. Tu dors tard, t'es tout gueudin. On frotte les murs, on en a marre. La vie est dure, en bas des bottes. Jacques on m'a dit bien sûr, je veux tout pétard. Y'a que le mal qui fait mes banques. Pardonnez-moi, mais j'en ai marre. Combien de fois j'ai cru que c'était terminé. L'amour ça fait des dégâts. Y'a que la galère qui vient sympathie. J'voyais le daron galérer solo. Mon but c'est de lui dire maintenant c'est fini. Pense à la mort, pense à la mort. Un jour t'es là, le lendemain t'es fini. On a souffert. Ouais ouais. On a esquivé les balles. On a esquivé les balles. J'suis trop du père. J'suis trop du père. J'veux que sourire mais j'ai mal. On se fait la guerre. Que des baffes. Pardonnez-moi, poteau j'ai mal. Maman j'ai mal. J'vais prendre la maille. Attendez-moi, maman j'ai mal. Vive toujours le même combat. J'ai du mal, poteau pardonnez-moi. J'veux plus voir bosser le rondage. J'vois qu'il a mal et depuis des mois. Pour l'oseille tout s'en bat des bains. J'ai du mal, poteau pardonnez-moi. Quand on voit j'ai ta non bombarde, j'ai fait que du mal, pardonnez-moi. Loin de la baraque, t'es moi où la vie me mène. J'esquive les barrages, j'suis dans la merde, viens j't'emmène. Loin de la baraque, j'ai vu que des baratins. Des proches sont plus là. Allah et rahmou. Larmes aux yeux tous les matins. On a galéré dur, j'veux que ma mère ait sa villa. Le cerveau tout pété, mais on joue trop les durs. Tout le monde se la met, sortez-moi de cette villa. Manque de confiance, est compris, on t'a trop déçu. J'préfère endurer la haisse, la gloire, poteau, non, non. Trop de fierté, j'lâcherai jamais mes gains. Jamais j'ferai un choix pour les démons, poteau, non, non. Être honnête avec les gens, ça paye pas. Quand j'étais pas là, que des coups de chlasse. C'est Dieu qui donne, laisse faire les choses. J'veux pas buzzer, j'veux lâcher ma trace. J'avance, j'ai plus rien à perdre. Trop d'épreuves, j'ai mal depuis le départ. Tout le monde veut t'aimer quand c'est trop tard. Même quand je suis tombé, j'avais que dalle. J'avance, j'ai plus rien à perdre. Elle est trop calme, la vie de ma main. J'fais du mal, poteau, pardonnez-moi. Je veux plus voir bosser le rondage. J'vois qu'il a mal et depuis des mois. Pour l'oseille, tout s'en bat des bains. J'ai du mal, poteau, pardonnez-moi. Quand on vole, j'ai tant de bombards. J'ai fait que du mal, pardonnez-moi. Loin de la baraque, loin de la baraque. T'es ma où la vie me mène. Oh. J'esquive les barrages, j'esquive les barrages. J'suis dans la merde, viens j't'emmène. Loin de la baraque, loin de la. J'ai vu que des baratins. Des proches sont plus là. Allah et rahmou. Larmes aux yeux tous les matins. Ouais ouais, Jacquemin. On a des balafres, hein. La tête de ma mère qui m'en voit, hein. Ouais. Evan God, Oussama, Faiz, ouais, le grand. Sky Rock. Ah, ouais, ouais, Just, toujours là. Ouais. Je veux que tu sois comme ma maman, que tu me défendes même quand j'ai pas là. Je suis perdu donc je me balade. Suis-moi dans mon cœur, j'ai que des malades. La street m'a fait trop mal. Je vais me caser et faire ma vida. Tous mes potos me témoignent. Je voulais une belle vie mais j'ai que dalle. J'y repense, j'ai mal. On verra bien demain. J'y regrette, t'as mal. T'avais qu'aujourd'hui c'est demain. T'en as marre, t'as le mal. Tu t'es trompé de chemin. C'est soit mes gars, soit une femme. Elles m'ont rendu tout vieux dingue. Perdu, mon cœur est tout pétard. Y'a pas de bonhomme, c'est dur. T'es ma mon état. Y'a plus de love, t'as mis. J'veux que sortir le pétard. J'fais le bonhomme, c'est dur. Pour la maman, j'veux une femme. J'avais tout fait pour les faire taire. Tu fais confiance, mais on te la met. T'es mal, t'es solo par terre. Tu penses à elle, t'as fait guerre en meux. Voilà, voilà. On est pas là. Tu voulais seulement les canner. Voilà, voilà. Elles te veulent juste pour la monnaie. J'avais tout fait pour les faire taire. Tu fais confiance mais on te la meut. T'es mal, t'es solo par terre. Tu penses à elle, t'as fait guerre en meux. Voilà, voilà. Tu voulais seulement les canner. Voilà, voilà. Elles te veulent juste pour la monnaie. Depuis l'époque, je voulais me barrer. L'amour, ça peut être des chaos. Une femme peut te rendre que taré. Pardonne-moi si j'ai plus les mots. T'es à moi, mais je suis ce mec du père. Je suis parano quand t'es pas là. Ton amour, je veux qu'il soit comme ma mère. Je suis qu'avec mes gars, donc t'as mal. T'en as marre, tu pètes les plombs. Tu veux te barrer de la baraque. Ça te fait mal, tu pètes les plombs. Tu veux toujours faire le bonhomme. Je veux que partir, je vois tous me salir. Je veux faire ma vie, mais je suis tout le temps tapé. J'ai tout banni, vas-y, viens me bâtir. Marre de la haine, viens, on s'aime. J'ai mal dans mon cœur, ouais, poteau, ça tire. C'est quand on s'aime qu'on se fait que la guerre. Depuis le départ, la misère me câline. Viens et aime-moi comme ma mère. On t'a guéri là. T'en as marre, t'en as marre. La rue t'a là, c'est fait mon point, mal. T'en as marre, t'en as marre. J'avais tout fait pour les faire. Fais confiance mais on t'a meut. T'es mal, t'es solo par terre. Tu penses à elle, t'as fait que rameux. Voilà, voilà. Tu voulais seulement les canner. Voilà, voilà. Elles te veulent juste pour la monnaie. J'avais tout fait pour les faire taire. Tu fais confiance mais on t'a meut. T'es mal, t'es solo par terre. Tu penses à elle, t'as fait que rameux. Voilà, voilà. Tu voulais seulement les canner. Fais le bonhomme. T'es trop lent. Tu veux que faire le bonhomme. Pas maintenant. Laisse-moi d'abord dans mon monde. Ton amour, tu le caches, tu le caches, tu le caches. J'avais tout fait pour les faire taire. Tu fais confiance mais on t'a meut. T'es mal, t'es solo par terre. Tu penses à elle, t'as fait cœur en meut. Voilà, voilà. Tu voulais seulement les canner. Voilà, voilà. Elles te veulent juste pour la monnaie. Ok. Voilà, c'est là. C'est ce Supreme, avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. C'est ma vie, dit non. Seul pour la mif, on veut empocher le million. Je voulais décaler, décaler les balles. Quand la gloire te follow, la haine se s'étale. Je voulais montrer que j'étais calé pour les bâtards. Mais impossible sourire quand t'es trop mal. Combien de fois on a tenté de me faire mal. Que des faux culs dans cette vida, que des bangs. T'en as marre, y'a que la poisse qui t'égale. Poto, si tu fais du mal, va purger ta peine. Poto, tu connais, arrête de déconner. T'as vu de l'amour, y'a quelqu'un qui m'en a donné. Je parle que de la mif à jamais, j'abandonnerai mon balai couille. On te rafale comme Tony, l'amour ça fait que les gars. Pour la daronne, faut me tirer des balles. Balles, arrête tes balles, hiverne, on veut mailler. On veut des cailles, mais j'en ai vu cailler. Tu dis que tu sors la calache, mais on t'a tous vu tailler. T'es pas un bonhomme, t'as fou grave, non. T'es pas un bonhomme, t'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme. Trop de tarot. T'as fait des trucs de taré. Derrière les barreaux, tu voudras que te barrer. Trop de tarot. T'as fait des trucs de taré. Derrière les barreaux, tu voudras que te barrer. Tu fais du mal que des ratata. Quand je galérais, dis-moi où t'étais. La seule que j'aime, c'est ma maman. C'est ma la vie qu'elle a menée. Le stand record. T'as fait des trucs de taré. Ah. Derrière les barreaux, tu voudras que te barrer. Quand t'aimes quelqu'un, tu te fais que guélin. Tu veux faire du mal pour toi, tu le payes. Manque de confiance et depuis le départ. On m'a déçu, je perds beaucoup sommeil. Couteau dans le dos, je suis trop faillé. Pourquoi tout le monde veut trouver la faille? Tu me voulais du mal quand j'étais pas là. On veut la maille et jusqu'à pas d'heure. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de la famille, bat les couilles des balafres. Quand le succès me follow, y'a tout le temps la poisse qui me passe de salam. 6h du mat, les faits que te déballent. J'ai déjà dit, y'a ta mère qui t'épaule. Pour la daronne, faut me tirer des balles. J'en ai marre d'ici, je veux qu'on décolle. Quand je suis dans le besoin, je suis solo dans mes bails. T'as pas d'amis parce que t'as pas de mollet. Je vais tout faire même quand j'ai pas la taille. Viens pas me faire facile, t'as mis ton nez. Et t'as 100 ans qui font les bonnets. De l'amour, on en a déjà donné. T'es du père poteau, t'as trop déconné. L'amour, c'est la mort, tu veux te décoller. T'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme, t'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme, t'es pas un bonhomme. T'es pas un bonhomme, t'es pas un bonhomme. Trop de tarot, t'as fait des trucs de taré. Derrière les barreaux, tu voudras que t'es barré. Trop de tarot, t'as fait des trucs de taré. Derrière les barreaux, tu voudras que t'es barré. Tu fais du mal que des ratata. Quand je galérais, dis-moi où t'étais. La seule que j'aime, c'est ma maman. C'est ma la vie qu'elle a menée. Oui, ma la vie qu'elle a menée. T'as fait des trucs de taré. Ouais, ouais. Les barreaux, tu voudras que t'es barré. Et ben voilà, c'est oui. Sorail Suprême qui touche à sa fin avec le live à l'instant. Ouais, spécial MRC, spécial aussi, MRC. Extrait de l'album DJ Kaïs, voilà, il est là. Dédicace au frérot. Voilà, il est venu pour son album. Il est là pour ça soutenir. Va péter, ça va péter. Et ben merci à toi MRC d'être passé. Kaïs, merci comme d'hab chaque dimanche. Ah Sorail oui, Suprême. Ça, ouais. Et ça continue toute cette semaine, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, la bonne nouvelle, ouais, c'est que cette semaine on va envoyer du son. Et bah tous les soirs dans Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. C'est ça. On te retrouvera avec des invités aussi qui sont bien présents sûr, sur le projet. Qui sont présents sur le projet et toute la semaine. Donc plein de surprises, des cadeaux à gagner. Et vraiment, on va faire écouter tous les titres de l'album. Quelques petites soirées avant ou même pas le temps là cette semaine? Non, là on rentre dans un mois. Ramadan. De Ramadan, ouais. Qui arrive, ouais. Je me mets un peu off. Donc repos pendant le Ramadan, voilà, et ça partira de plus belle. On est sur l'album en même temps, donc voilà. Et ben, Kaïs rencard demain, yes. 20h-21h dans Planète Rap. Ouais. Merci et merci aussi d'être merci passé. À vous. Merci à vous deux en tout cas, merci à vous tous. Passez une bonne soirée, c'est la fin de ce Rail Suprême sur Skyrock et la leçon, c'est reparti. Ciao.